100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. C'est parti pour la nocturne 100% rap français sur Skyrock. Il est là, il vient de sortir son projet aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Kalash Criminel. Bienvenue. Bien ou quoi? Ça va et toi? On est là. Cagoulé comme il se doit, comme d'hab. Comme d'hab. Pourtant, j'ai vu que t'allais bientôt quitter la cagoule. Je sais pas, on verra. Non, toujours pas? Je sais pas, je verrai. Bon. Dépend de mon humeur. Ouais, donc aujourd'hui, humeur sérieuse, vendredi soir sérieux. Ouais. Ça va, t'es content quand même des premiers retours pour cette première mixtape? Ouais, fort, fort, fort. Les gens t'ont soutenu, ils sont déplacés. Depuis le début. Comment t'expliques justement cet engouement qu'il y a autour de toi, Kalash, criminel? Moi-même, je sais pas. Les gens, ils kiffent, c'est tout. C'est de la sauvagerie musique, ils kiffent. Toi, ça a commencé, l'histoire commence du côté de Sevran? Ouais. Le rap arrive à quel moment pour toi? Depuis longtemps, mais sérieux, depuis un an. Ouais, c'est assez rapide en fait. Ouais, c'est allé vite. T'as commencé, quand tu nous dis, ça fait un moment que je suis dans le rap, ça veut dire que t'as commencé, t'avais quel âge, à gratter les tout premiers souvenirs rapologiques que t'as, quels sont-ils? Il y a 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans, 14 ans. Donc là, à ce moment, t'écoutes quoi? J'écoute que des prods en ce moment. Mais au moment où t'as 13 ans, au moment où t'as 13 piges, J'écoute Despo, Kerry James, j'écoute ça. Hein. Donc ça, c'est les grosses références. Ouais. Et puis petit à petit, tu dis, bon... Bah, je vais mettre de côté parce que la vie forcément te rattrape. Ouais, c'est ça. Et le fait que tu reviennes, il y a un an que tu décides de revenir, en tout cas d'écrire de nouveau, est-ce qu'il y a je sais pas, quelque chose qui te déclenche? Non, mais en fait, j'écrivais déjà, mais j'enregistrais pas. C'est à partir de 2 ans, on va dire, j'ai commencé à enregistrer. 2 ans, 3 ans, je commence à enregistrer. Mais est-ce qu'il y a un déclencheur justement sur ouais, ce c'est mes gars, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est tout qui m'ont poussé à enregistrer des sons, à continuer à écrire, c'est ça. Et le résultat est dans les bacs depuis aujourd'hui, c'est Kalash Criminel, première mixtape. On attaque avec Sauvagerie 2. Ouais. Allez. Fort. Kalash Criminel. Africain sauvage. Zaïrois sauvage. 243. RGT, Grigny la grande borne, que des sauvages. Sauvage, sauvage. Je suis posé à la cité, comme à la maison, mon gars, je suis pépélé. Dans la vie, c'est donnant, donnant, y'a rien que Ophélé. Je leur mets que des coups de pression, comme quand le daron te dit, éteins la télé. Pas de rugby man chez nous, mais tout le monde participe, quand y'a la mêlée. Je vais tous les rafaler, écouter la symphonie. Je les entends rapper, je me demande si c'est des Poucas ou des Tommy. Ils font tous les tecs dans les peuclis. Ah la Montana Tony, vos rappeurs qui dansaient à Châtelet. Ah ouais. La tectonique, ouais, ou le logo B. Fais pas le godin, avec mes yeux. Fais pas le godin, avec mes yeux. Ici à 13 piches, déjà sa bibi. Masta ba petit ba baby. Le paradis chassa à toi là à Babi. J'attaque pas ma coconatrie. Sauvagerie. Comme un caf en ville si t'es yégri. Je fais plus les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. Léopard du Zaïre traîne avec éléphants et des lions indomptables. Grand, petit, moyen, respecte tous ceux respectables. Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara. Je trouve ça regrettable. En 2016, ils savent pas tous rapper. Ils savent faire des dames. Touche à la famille, des crimes on va commettre. T'as beau faire 2 mètres, pour t'enterrer, il suffit d'un 9 mm. Sauvage. La truche la mécra, les rappeurs vont t'écra, demande à IPK. Moi je suis un all black, mais c'est le 47 qui fait le AK. Y'a rien de personnel, c'est que du business. On porte la haute couture et nos coronets. Kalash faut faire du sale. Ah ouais. Kalash faut faire du sale. Ah ouais. Je vais faire du sale, c'est promis. Promis. Et je tiens toujours mes promesses. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. RAS dans les bugs. Hannibal à la prod. Sale. RAS. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. RS. RS. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïroi sauvage, 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas à domicile. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas featuring, réponse négative. Ramène-nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et Fayad offensif. Tous mes sauvages sont dangereux. Ah ouais? Tous mes sauvages sont très agressifs. Traite des mères sur internet. Ah ouais? En face tu finis, un soin intensif. Qui vivra verra, toujours un crâne zéra. Faut même pas me terra, mes gars sur le terrain. Bah les couilles de ta vie, c'est que tu peuras. Je rappe mieux que toi et t'as la jura. 23-27-0. Rapide, efficace comme Kuna Guerrero. Y'a pas de je t'aime, pas tes Pierrot. Comme lui, Suarez, El Pisto, Mero. Sous-estimé, ils savent très bien que je suis le meilleur. Quand la calasse tire, personne n'arrête la balle, même Manuel Neuer. Tu te fais piétiner, tes potes ont couru. Tu me parles de solidarité. À ce fond de la classe, fini diplômé. Je suis content de ma scolarité. Crois pas que tu fais du rap encore parce que t'es rempli de vulgarité. Sache que tout ce qui m'arrive c'est mérité. Les enfants et les poucaves disent la vérité. Sale est la sonorité. Choqué de la brutalité. Tout niquer notre mentalité. Faire monter le taux de mortalité. Sale est la sonorité. Dirigé par des dictateurs, c'est normal qu'on parle qu'avec autorité. Mais Sauvage et moi, on met des pénalties à tous nos adversaires. Pourtant, on a tous arrêté le foot. Sache que on peut te refroidir, même si t'es tous les jours dans le four. Sauvagerie. Sale est la sonorité. Sauvagerie. Choqué de la brutalité. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. Ils font les fous à la cité, au comico, ça bat comme des crapauds. Sauvage, sauvage. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. J'suis avec Solomid, tout qui est popo. Ils font les fous à la cité. Oko, Miko, ça bave comme des crapauds. Arrête de jurer sur la vie de ta mère, t'es qu'une salope. On sait que tu vas rien faire. J'ai la haine depuis petit, encore plus depuis que j'ai perdu mon grand frère. Sale est la sonorité. Choqué de la brutalité. Tout niquer notre mentalité. Faire monter le taux de mortalité. Sale est la sonorité. Pas le même niveau, pas de rivalité. On a de la frappe de très bonne qualité. À ce vrai, street est la réalité. Street est la réalité. C'est Kalash Criminel au contrôle de la Nocturne, 100% rap français. Le projet dans les bacs depuis aujourd'hui, en CD, en téléchargement dès maintenant, hein, légal, je précise. Ouais. Vaut mieux, hein, Kalash, non? Ouais, fort. Ouais. Il s'appelle RAS, ce projet, et donc ce morceau qu'on écoute à l'instant, qui a marqué les esprits, celui-ci. Hein. Ouais, fort. Sale sonorité. Ils ont kiffé, les gens, c'est lourd. Ils ont bien kiffé avec le clip, les paroles qui sont balancées dessus. Ouais. Les prods, tu bosses avec qui, toi, Kalash? Avec Hannibal, il est là. Hannibal. Qui encore, il y a Ketama sur le projet, il y a Z58, il y a Ray Prince aussi, il est là, on a plein, c'est ça. C'est des gens qui t'entourent, qui sont autour de toi. Ouais, c'est ça. Donc c'est les gens qui sont mis en studio il y a un peu plus de deux ans maintenant pour réaliser ce premier projet. L'objectif, ouais. C'est quoi? Il faut que ça aille vite maintenant, que tu sortes encore beaucoup d'autres choses. Ouais, c'est ça, hein. Le prochain, c'est l'album normalement, là c'est un petit truc, tu vois. C'est un petit avant-goût. RAS, ouais. Pour les vrais sauvages, la sauvagerie musique. Ah là, c'est pour ceux qui demandaient. La sauvagerie gang. Et puis, on le disait aussi, tu fais évidemment souvent référence à Sevran, qui a été malmené, hein, dernièrement. Ouais, Sevran, les Rougemont, c'est nous. Voilà. T'as pas croisé Bernard de la Villardière, non? Non, même pas. J'étais pas là, moi. T'étais pas là le jour où il a débarqué avec ses potes? Non, j'étais pas là. Kalash Criminel avec nous, ouais. Ce soir, en ce début de Nocturne. Tu veux qu'on parte sur quel morceau? Balance, vas-y, on va balancer Carré VIP. Carré VIP. Ouais. Allez, c'est parti, Carré VIP, ça. Le clip arrive bientôt. Ouais, j'ai demandé c'est quoi les prochaines images, donc c'est Carré VIP. Ouais. Rida Prince à la prod. Carré VIP, énervé. Kalash Criminel. Montez le son, Buldo, Brams, Aibo, Babs, Popeye, tout le monde. Deux fois, montez le son. Les Rougemont, encore nous. Venez la grande borne, ça bouge pas. Douma, Lulu, Dauphino. Lala, RAS. RAS.

regard c'est tout y est. Cette année je vais tout plier. Obama une carotte, nous a juste fait roupiller. Ah ouais. Pendant ce temps là en Afrique en train de tout piller. Je fais du bien et du mal, mais le bien ils ont oublié. Je leur mets des coups de pression. En plus sans trop crier. Ryoki. Je suis albinos parce que je suis né pour briller. J'écoute pas les actifs pareils et on m'a dit encore moins les soi-disant. Sauvage. J'incite pas la violence mais Annick ta mère égale un mec en sang. Ta, ta, ta. Rien n'a changé pourtant l'esclavage c'était aboli. Ta, ta, ta. Comme dans tous les cartons t'aimes pas si t'es de la police. Sauvage. Famas, Kalash, 9mm, Uzi et P38. Les armes sont payantes, mais les rafales sont graves. Arrêt du cœur. Sauvage. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Le 14, beaucoup de larmes. Emoji S, Kipa Zino, Style D, RAS, moi un vieux père pour moi, le mauvais. Chez nous, pas de félonie, ça vient de se branler R. Django, Kofkof, Dox, cagoulet lourdement armé sous la plage arrière. Sango le Toso, en matière, faut que la juge et le commissaire. 2-7, 2-7, 2-7. Kalash, Kalash, Kalash, Kalash sur la mélodie. S-E. Chez nous, S-E. Pas de félonie. S-E. J'ai grandi dans la Zermi et je ne me suis jamais plaint. Moi, je m'en bats les reins, ça ne me fait ni chaud ni froid de mettre du Philippe-Plein. Philippe-Plein. Tant que le réfrigérateur de la daronne est toujours plein. Toujours plein. Je ne trahirai jamais un vrai frère pour une chouin. Je matin, midi et soir au refou. Je fais des sous pendant que tu chattes. Ouais. Je me fais des sandwichs de gnou. Ouais. Je bois de la limonade de chatte. Ouais. Tu veux pas, y'en a qui veulent. Ouais. Quand on trouve moi vite des feuilles. Quand des gros fiacs nous accueillent. Comme Fetty Wap, j'ai un œil. Je rôde en ville comme un check. Toi t'as une tête appuyée de la schneck. On parle pas avec toi pour la crapie. Pouka vu une fois, Pouka va vie. Tu m'as vu moi, Pouka Daffy. Y'a du produit dans mon réseau. Pitié ta faim, monte dans le vaisseau. Mange-moi les yeux, illico, presto. Pas besoin d'appeler. Allo resto, Sango. Mon couplet viendra s'abattre sur toi comme la peine de mort. Sango. Tu te comportes comme si on t'avait conçu avec du sperme de porc. S-E. Puis j'arrête de mentir, j'suis mignon que quand je dors. Pas de réchauffement climatique, ça devient chaud que quand je sors. Arrêt du cœur. Sauvage. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvage. Beaucoup de l'air peu de repenti comme Larry Hoover. Sauvage, sauvage, sauvage. Kalash, Kalash, Kalash, Kalash sur la mélodie. Chez nous pas de félonie, ça vient de se branler R. Sango le Toso, cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le Toso, en matière, faut que la juge et le commissaire. Tout c'est. Kalash, Kalash, Kalash, Kalash sur la mélodie. S-E. Chez nous pas de félonie. S-E. R.A.S. C'est la Nocturne, 100% rap français, Kalash criminel au contrôle de la Nocturne. En ce début de Nocturne avec ce morceau qui s'appelle Arrêt du cœur. Ouais. Un petit mot pour Caris aussi qu'on salue. Ouais, grosse partie de Caris, le 11 novembre l'album. Ouais, ça arrive. T'étais passé d'ailleurs dans ces derniers Planète Rap aussi, c'est là où je, où je t'avais croisé aussi. Ouais, fort. Bon Kalash, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur les prochains mois qui arrivent? Une longue vie, être millionnaire. Ça c'est une bonne idée. Et voilà. Et donc beaucoup de projets encore qui vont sortir. Ouais, si Dieu le veut. T'es dessus là, tu bosses déjà de dessus? Ouais, j'ai déjà d'autres trucs. Ouais. D'autres trucs qui avaient énervé. D'autres thèmes, plein d'autres trucs. Et merci à tous ceux qui sont passés là autour de toi aussi. Ouais, on est nombreux. Je vois ça. Je vois qu'il y a du soutien. Ouais, de partout. De partout. Merci d'être passé en ce début de Nocturne, Kalash criminel. Force à vous. On rappelle que le projet est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ouais, RAS, force à tous les sauvages qui donnent de la force. La sauvagerie gang, mon gars. On est là. Kalash criminel était dans la Nocturne qui continue maintenant. Bon, tu connais. Merci à toi. Force. Planète Rap. 100% rap français. Nocturne. 100% rap français. Caris. L'album arrive. Zango le Dozo. Et le morceau s'appelle Zango Nador maintenant dans la Nocturne. Caris. Je sors du zoo. Il n'écoute pas ce que je dis. Il ne voit que la couleur de ma peau. Comme toi, je

Niska. Il est chaud, Niska. Grady. Where is l'album de Grady? Calaboca. Ils veulent mon pif, ma pute, ma gove. Rolex sur le sap d'eau, elle me suce quand je roule la conne. Je suis pété toute la journée avec mes boucles, ça fume la drogue. Baby, il pêche une fois pour dégainer un bolide d'occasse. Je suis un foot, rien à foutre. Everyday sur le rein, je te parle pas de foot. Rien que ça fume, la drogue douce. Pédé, dire pas sur mon joint si tu tousses. Bébé, va te refaire les fesses, pas de temps pour faire du squat. Elle a tellement mouillé quand j'ai les doigts et que j'en ai les mains à moi. Pourquoi il faut automatiser l'icolo? Donc avec mes nègres dans deux blocs, sa bibi, sa détaille est killer. J'ai mon joujou caché dans la vago. Delta, Charlie, Delta, Tango, Schweitzer, Schweitzer. C'est 100% rap français. Niska, Gradure. Where is l'album de Gradure? Where is l'album de Niska? Le peuple réclame. Il y a Thomas, il y a tout le monde est là et on fout le zbeu. 100% explicit lyrics. Le garçon s'appelle Nino. Très fort dans la nocturne. Bitch Dab. C'est le nom du morceau maintenant dans le nocturne 100% rap français. Balancez les messages avec le hashtag Skyrock. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Brad, tu ravitailles les schlags. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Regarde mon dab. T'es mal le dab, bitch. Dab. Regarde le dab. T'es mal le dab, bitch. Dab. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Je ravitaille, je ravitaille, je ravitaille les schlags. Ravitaille les schlags. J'suis dans le bando, y'a de la vente, des achats. Chimique, elle vient d'Amsterdam. Si elle s'éteint, j'lui déclare ma flamme. Laisse-moi faire mon dab, j'te baise après. Tu n'as pas les armes pour faire la guerre. Des solias, moi j'en ai toujours voulu. Tu verras, tu paieras, ou tu finiras tout nu. Les vides sont teintées, j'suis dans un fer tout noir. Shit marocain, gros moteur berlinois. On transforme ton père en client fidèle. Transporte cette merde, fais du bif, reste discret. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Rap, tu ravitailles les schlags. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Regarde mon dab. T'es mal le dab, bitch. Dab. Regarde le dab. T'es mal le dab, bitch. Dab. Tu demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Je ravitaille, je ravitaille, je ravitaille les schlags. On ravitaille, la substance est coupée. Tu danses le dab devant le canon scié. À cause de ça, les frères sont écroués. À peine rentré, super balisé. La volaille m'a localisé. Fonce des sur les Champs-Élysées. Le cerveau plein de mauvaises idées. De midi jusqu'à minuit, ça bosse. Mais y'a toujours le focus gris qui passe. Une puce de plus qui se casse. Dealer doivent effacer toute trace. C'est Bec au bigot.

passer tout seul. Je marquais l'époque comme Didier Ousseli. Une boule au ventre en associe mon bled à l'Ebola. Mais ça change rien ce soir, je me pas vendre dans la peur. Putain, 02-54, le bus et les armes. J'ai quitté Paris, je suis au bord de la mer. Des guerres, des pays, des serbes, pas rien. Éveillez-vous, en vous, on est tous les mêmes. C'est sûr, je suis au pays. On descend sans poquer. Un petit tour à Madina. Le drapeau sur de la jeunesse pour se lever. Je viens d'un endroit où on ne connaît pas les dollars. J'ai vu qu'ils ont peur de moi comme si j'étais Ebola. Je tape des pas comme si l'ennemi m'avait Boumara. Ne m'en voulez pas parce que je suis un comme au barrage 37. Diallo, on va tout contrôler comme au barrage 37. Diaby, tout contrôler comme au barrage 37. On est réavenu, ils sont pas qu'il est revenu. Avedi, pour le Guinéen du monde entier. M.I.D. Avedi, pour toute l'Afrique de l'Ouest. Slaquette, Avedi, l'Afrique entière. Engagé Avedi, la Guinée Avedi. Engagé Avedi, je suis à c'est 100% rap français. On va attaquer la session classique. Emma aussi a écouté son morceau. Emma est arrivée aujourd'hui dans les bacs. On l'écoutera juste après MHD et son bam bam bam bam bam. Afrique à l'honneur. Et après on part en classique dans la nocturne. On reconnaît les babos, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré, tout penser de terre, après des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, place au combat. On chip, pas de fatigue, paye, j'en caisse, c'est mon bon qui va gérer mes vêtements. Et magie, ça tue pour les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfoiré qui fait bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis ça avant même. Gardez, appétit, quand je pars, j'ai la boule à tout Brésil. Imbécile, fais pas moi d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me prévoir. Ça me fait bizarre, quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte-père. On se tue l'air, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. Quand je me barre, j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, je me barre loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, quand je me barre, j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, je me barre loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. C'est la nocturne 100% rap français. On va attaquer la session classique dans un instant, mais juste avant, dédicace Nora, dédicace à Emma. Emma, elle a sorti son single, on peut le trouver en téléchargement légal. On va l'écouter maintenant et puis juste après on enchaîne en classique 100% rap français. Et on kiffe putain. Dernier shoot. 100% rap français. La nocturne. Attends, attention la descente. Attends, attention la descente. Attends, attention la descente. Attends, attention la descente.

de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Yeah, yeah, yeah. Nocturne. Oh assis, non assis, assis, assis. Non, dédicace à qui alors? À Cécile, à David, à Walid, bien sûr, qui nous écoute. Ouais, Walid, à Thomas, maman. Au chauffeur de Uber. Au chauffeur de Uber. Et Flo, Flo, Juju, l'œuf de Ring. BGX, bien sûr, toujours, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir suivi la nocturne. Il est où, Fabuleux? Fabuleux, il bosse. Non, appelle Fabuleux. Appelez-moi Fabuleux tout de suite. C'est la fin de la nocturne. Je vous retrouve dans une semaine pour la prochaine nocturne. Et Fabuleux, dédicace gros. À la team Jou. Viens dire un mot, gros. Tu prends le contrôle? Ouais. Ça se passe quoi? En pleine forme, Fabuleux. Ça se passe quoi, gros? Je suis pas en ménage, il paraît. Et il est où, Dipoliti? Allez, allez me chercher Dipoliti aussi. Mais il t'entend, dis-lui, il t'entend. Il est où, Dipoliti? Dipolito, Dipoliti? Il est là, il se balade. Je viens comme un prince dans la nocturne. Dédicace, Dipolito. Dédicace. Dédicace à Calage Criminel qui est passé en début de nocturne. Quel bouffon celui-ci. C'était bien. Ouais, c'était bien. Merci à vous tous d'avoir suivi la nocturne. Ouais. Il est grand temps de tirer le store maintenant. Une note. Et dès lundi, avec Giorgio, entre 20 et 21 dans Planet Rap. Ciao, ciao. Rap and R&B. Rap and R&B non-stop. K-Rock. Rap et R&B non-stop. Mais on finit avec un classique.